1881, samedi 12 février. J'avais fait mettre mon tableau en perspective et voilà que cela me changeait tout. Je ne devais plus voir ce que je voyais. Mais il fallait me supposer à 6 mètres de là. De sorte que mes yeux voyaient l'échelle derrière la tête de Mademoiselle de Villevieille et la perspective m'ordonnait de la voir beaucoup plus à gauche. Je ne comprends pas comment on peut faire ce qu'on ne voit pas. Du reste, quand on dessine juste, on ne doit pas faire de faute de perspective. Il faut des perspecteurs quand il s'agit de faire un temple, une colonnade, des machines de ce genre, mais un simple atelier avec des femmes. J'ai perdu 4 ou 5 jours avec tout cela. Enfin vient Tony, et il me donne raison. Usez de la perspective si cela rentre dans vos arrangements, mais si ça dérange la composition, flûte ! Il est avec elle des accommodements. Du reste, comment peut-on faire une chose fausse en faisant exactement ce que l'on voit ? Tony persiste à être très content et me dit de peindre. Je suis ravi. À midi, la bonne arrive en courant, le visage congestionné. Monsieur Julien est décoré, joie générale, cela pose la maison. Nous triomphons et courons à, Neuve-Église et moi, commander une splendide corbeille de fleurs avec un gros nœud rouge chez Vaillant-Rouzeau. Vaillant-Rouzeau n'est pas un fleuriste ordinaire, c'est un artiste raffiné. 150 francs, ce n'est pas trop. Nous y mettons une carte ainsi conçue à Monsieur Julien, l'atelier des dames du passage Panorama. Villevieille revient exprès à 3 heures pour féliciter le maître. Il monte avec son ruban et j'ai le plaisir de voir pour la première fois de ma vie un homme absolument heureux. Il l'a voulu même. Il y a peut-être des gens qui ont envie de quelque chose. Moi, à l'heure qu'il est, je ne désire plus rien au monde. Puis nous descendons, vieille ville et moi, dans l'atelier du directeur décoré, voir la corbeille. Joie, félicitations et même un peu d'attendrissement. Il nous parle de sa vieille mère, à laquelle il craint de donner un coup en lui annonçant brusquement la nouvelle. Puis un vieil oncle qui en pleurerait comme un enfant. Songez donc, c'est un village là-bas. Vous voyez l'effet. Un pauvre petit paysan, parti de là-bas sans rien. Chevalier de la Légion d'honneur. Il a été très gentil en parlant de sa famille, le père Julien. Ici aussi, c'est une fête de famille. Sous le coup de l'émotion, les élèves les moins sympathiques parlaient d'offrir un bronze, un souvenir, que sais-je. Puis arrivaient d'autres élèves, ma tante, Neuve-Église, etc. Il est ravi de nos fleurs et du nœud. Enfin, cela dure jusqu'à 5h30. Blague à part, cela donne tout autre cachet à la boutique. Et puisqu'il est si heureux que ça, le père Rodolphe, ça va le rendre bon. Mardi 9 août. J'étais chez le docteur ce matin. Voilà la 3e fois depuis 15 jours. Il me fait revenir pour avoir un louis chaque fois, car le traitement est toujours le même à suivre. Vraiment, c'est à en devenir folle. Sur 1000 cas, m'a-t-on dit, la surdité arrive une fois, et c'est justement moi. Tous les jours, on voit des malades de la gorge, des poitrinaires qui souffrent, qui meurent, mais qui ne deviennent pas sourds. Ah, c'est un malheur si inattendu, si horrible. Quoi? Ce n'était pas assez de tout? Que je perde la voix, que je sois malade, il fallait encore ce supplice sans nom? Ça doit être pour me punir d'avoir crié pour des niaiseries. C'est Dieu qui punit? Le Dieu du pardon, de la bonté, de la miséricorde? Mais le plus méchant des hommes ne serait pas plus inexorable. Et je suis torturé à tous les instants. Rougir devant les miens, sentir leur complaisance à parler plus fort. Dans les magasins, trembler à chaque minute. Là, ça se passe encore, mais avec les amis. Toutes les ruses que j'emploie pour cacher mon infirmité, non, non, non, c'est trop cruel, c'est trop affreux, c'est trop épouvantable. La peinture et les modèles. Je n'entends pas toujours ce qu'ils me disent et je tremble qu'ils parlent. Est-ce que vous croyez que le travail ne s'en ressent pas? Quand Rosalie est là, elle m'aide. Seul, je suis saisi de vertige et ma langue se refuse à dire « Parlez un peu plus fort, je n'entends pas très bien. » Mon Dieu, ayez pitié de moi. Et si je ne crois pas en Dieu, c'est mourir à l'instant de désespoir. Le poumon est venu à la suite de la gorge, et la gorge a causé ce qui arrive aux oreilles. Maintenant, soignez ça. Mais je me suis toujours soigné. C'est le docteur Chrysaver qui a fait le mal. C'est à la suite de son traitement que j'ai... Mon Dieu, faut-il donc être si atrocement séparé du reste de la terre? Et c'est moi, moi, moi. Ah, il y en a à qui ça ne serait pas douloureux même. Oh, quelle horrible chose. Mercredi 10 août, jeudi 11 août. Tous les jours, je vais à Passy, mais sitôt que je suis installé, je prends en horreur ce que je commence. D'abord, Fortunata, que j'ai renvoyé en lui payant 6 séances pour rien. Puis c'est le tableau duquel j'étais folle. Julien m'a dit qu'il fallait modifier, améliorer la composition et cela m'a suffi pour que je ne sache plus quoi faire. D'abord, malgré tout, je l'ai commencé, mais après avoir commencé, j'en ai eu dégoût et peur. La vérité est qu'il ne me reste que 20 jours, et s'il pleut. Mon tableau, c'est une affiche électorale devant laquelle il y a un garçon épicier avec son panier, un ouvrier qui rit à un monsieur avec serviette sous le bras, un gommeux à l'air très bête et un vaste chapeau bonapartiste dont on ne voit que le chapeau. Dans le fond, une petite femme. C'est grand comme nature à mi-corps. Bref, ça et le reste me rendent folle. J'ai la main qui tremble pour écrire. À peine ai-je une idée que je l'ai en dégoût. Il n'y avait que ce tableau et j'ai perdu tant de jours. Et me voilà encore indécise, diable de caractère. Quand je suis libre de faire ce que je veux, je ne sais plus que faire. C'est ma maladie qui me rend idiote, et la mention honorable de Breslau me coupe les bras. Le ciel est juste, je me demande. C'est que ce tableau, Julien et les autres disent que ce n'est ni neuf ni original. D'accord, du reste je n'en sais rien. C'est actuel, toujours, et puis, si c'est bien exécuté, ce sera toujours bien. Et il faut encore que je sache si Alexis sera ici dans le courant d'août. Il pose le gommeux et sans lui pas de tableau, et je n'ai pas encore trouvé le vieux monsieur à la serviette. Tout ça ne serait rien si j'étais décidé et en train. Et je perds mon temps, et j'use mes yeux à lire pour me calmer. Enfin, plus moyen de porter mes hésitations à qui que ce soit, Tony en Suisse, Julien en Marseille. Et moi au diable, sitôt que je décide quoi que ce soit, une voix me dit « Enfin, quoi que je fasse, je ferai toujours à mon désavantage. Si je renonce au tableau, quelqu'un d'autre le fera, et j'en aurai un dépit mortel. » Si je le fais, je le ferai en m'y prenant mal, il pleuvra, et j'ai déjà 20 jours. Tout ce que je pourrais faire sera certainement le contraire de ce qu'il aurait fallu faire. Donc, il faudrait n'avoir plus souci de rien. Aussi, vous me voyez. Ah, qu'il est affreux d'en être là. J'ai des cheveux blancs. Un jour, j'en ai trouvé près de 2 sur le devant. C'est depuis qu'il me semble que je deviens sourde, et ça c'est horrible. Oh, maintenant, au moins ça coupe court à mes récriminations. Je n'ai rien, d'accord. Mais aussi, je ne suis plus bonne à rien. Vie de salon, politique, plaisir de l'esprit, tout cela à travers un brouillard. Et si je m'y risque, je risque aussi de me couvrir de ridicule ou de passer pour sotte ou médiocre. Tout ce que je dois affecter de brusquerie, de singularité, d'absence, pour cacher à l'unique Saint-Amand que je n'entends pas bien. C'est à décourager 40 chevaux. Comme il est possible d'avouer qu'on est sourde, quand on est jeune, élégante et qu'on prétend à tout. Comme il est possible de solliciter l'indulgence, la pitié, dans ces conditions-là. Du reste, à quoi bon tout? La tête se fend, on ne sait plus où on en est. Oh non, il n'y a pas de Dieu tel que je l'avais imaginé. Il y a un être suprême, il y a la nature, Mais il n'y a pas le Dieu que j'ai l'habitude de prier tous les jours. Qu'il ne m'accorde rien, passe, mais m'assassiner de la sorte, mais me rendre plus malheureuse, plus dépendante de tous, que le premier mendiant venu. Qu'ai-je fait? Je ne suis pas une sainte, je ne passe pas ma vie à l'église, ne fais pas maigre. Mais vous savez ma vie, sauf des irrévérences constantes envers ma famille qui ne le mérite pas, je n'ai rien à me reprocher. À quoi sert prier tous les soirs? Et demander pardon d'être forcé par les circonstances à dire des duretés aux miens? Car si j'ai tort vis-à-vis de maman, vous savez bien que c'est pour la forcer à agir. Enfin, me voilà horriblement frappé, et frappé avec la cruauté la plus raffinée. Enfin Dieu, non, le Dieu que je croyais connaître n'existe pas, ce n'est pas possible. Mais alors, oh non, il nous faut un Dieu pour reporter à quelqu'un le bien et le mal. Vendredi 14 octobre. Hier, à 7 heures du matin, départ pour Tolède. On m'en a tellement parlé que je m'étais imaginé je ne sais quelle merveille. Malgré le bon sens, je m'obstinais à me figurer quelque chose de Renaissance et de Moyen-Âge. De merveilleuses pièces d'architecture, des portes à sculptures noircies par le temps, des balcons divinement travaillés, etc. Je savais bien que c'était autre chose, mais c'était gravé là, et cela m'a gâté Tolède, lorsque j'aperçus cette ville mauresque avec ses inévitables maigreurs de murailles et de portes ébréchées ou paraissant telles. Tolède est tout en haut, comme une citadelle, et lorsqu'on regarde du sommet la campagne et le Tage, cela ressemble à certains fonds invraisemblables de Léonard de Vinci ou même de Velázquez. Ces montagnes, presque à voile d'oiseau, de vert bleuâtre, qu'on voit par la fenêtre auprès de laquelle est la dame ou le cavalier en velours prune avec de belles mains fines. Quant à Tolède même, c'est un dédale de petites rues irrégulières et étroites où le soleil ne pénètre pas, où les habitants ont l'air de camper, tellement toutes les maisons ne ressemblent à rien. Une momie, une Pompéi conservée entière, mais ayant l'air de tomber en poussière de vieillesse. Le sol brûlé, les hautes murailles brûlées par le soleil. Des cours étonnantes de pittoresques, des mosquées converties en églises et barbouillées de chaux. Pourtant, on gratte petit à petit et ce qu'on découvre est bien curieux. Des dessins, arabesques à couleurs encore vives, des plafonds de boîtes noircies à caissons, avec des poutres se rencontrant curieusement tout en haut. La cathédrale naturellement admirable, comme celle de Burgos, une profusion d'ornements. Ah, les portes sont des merveilles. Et le cloître, avec sa cour remplie de lauriers roses et de rosiers entrés dans la galerie et grimpant le long des piliers à statues graves et tristes. Et lorsqu'il vient un rayon de soleil, c'est d'une poésie incomparable. Du reste, les églises espagnoles sont quelque chose qu'on ne se peut figurer. Les guides en haillons, les sacristains en velours, les étrangers, les chiens s'y promènent, prient, aboient, etc. Et c'est d'un charme étrange. On voudrait là, au sortir d'une chapelle, rencontrer subitement, derrière un pilier, l'idole de son âme. Il est incroyable qu'un pays si voisin du centre de la corruption européenne soit encore si neuf, si vierge, si sauvage. À Tolède, on est au diable, ce semble. Je ne sais pas, moi, il y a trop de choses à voir et j'y suis resté quelques heures. Pourtant, je reviendrai peindre certaines rues toutes noires et ces colonnettes, pilastres, plafonds, vieilles portes à gros clous espagnols et mauresques, des bijoux, des merveilles. Mais il faisait chaud, j'ai mal vu. C'est pittoresque. Tout est tableau. On n'a même pas à choisir. Tout est étrange et intéressant. Mais ça n'a pas les sympathies de mon cœur. En voyant mieux, peut-être. Mais c'est ce mélange des Goths, des Arabes et des Espagnols. Enfin, ça ne me regarde pas. Le coro de la cathédrale est vraiment une merveille. Par exemple, les stalles ont des bas-reliefs historiques en bois sculpté avec tant de détails et une telle finesse qu'on est saisi d'admiration. Ah, je vous l'ai dit, la cathédrale est prodigieuse d'élégance, de richesse et surtout de légèreté. Il semble que ses colonnettes et ses ciselures et ses voûtes ne puissent résister au temps. On craint que de tels trésors ne tombent en ruine. C'est si beau qu'on sent comme une appréhension personnelle. Mais voilà 4 ou 5 siècles que ce prodige de patience est debout, inébranlable et admirable. Je vous dis, la pensée qu'on emporte de là, c'est pourvu que ça dure. Et une frayeur que ce ne soit abîmé, détérioré, usé. Je voudrais qu'on n'eût pas le droit de toucher du doigt cette création. Et les gens qui marchent sont déjà coupables, car il me semble qu'ils contribuent à la très lente mais inévitable destruction du merveilleux édifice. Je sais bien que pendant des siècles encore, mais... Et au sortir de là, les grands murs crénelés à fenêtres arabes desséchés au soleil, les mosquées avec leur grandiose suite de piliers à ornements arabesques. Allez donc à Rome voir le soleil se coucher derrière la coupole et toutes ces prodigieuses fanfreluches, toutes ces élégances de pierres ciselées, de portes gothiques et arabes, toutes ces merveilles grêles et cassantes, à caractère altier et inquiétant, tout cela tombera comme des écailles et vous semblera de puérils ornements. Je regarde les photographies de Tolède. Il me semble que je me suis trompé. J'ai mal vu. Samedi 15 octobre. J'ai passé la journée à l'Escurial avec ma tante que ça embêtait et qui, tout en gardant une contenance indifférente, tâchait de tricher. Si je n'avais entendu parler le guide, elle m'aurait escamoté les caveaux pour ne pas me fatiguer. Et puis des cercueils, c'est affreux. Quel ennui de faire ce voyage comme ça. Enfin, j'ai vu comme dans un rêve cet immense bloc de granit, sombre, triste, grandiose. Eh bien moi, je trouve ça superbe. Cette majestueuse tristesse est un charme. Le palais affecte la forme du grill de Saint-Laurent. Consultez les guides. Ce qui lui donne l'air un peu caserne, excusez le mot. Mais il s'élève au-dessus d'une campagne brûlée, sombre, houleuse, comme une mer et produit une impression profonde avec ses murs de granit de l'épaisseur d'une maison parisienne, ses cloîtres, ses colonnes, ses galeries, terrasses, pièces d'auberge, ses cours. C'est froid, dit-on, c'est triste, oui, mais cela repose des irritantes visions de Tolède. Nous avons visité les appartements royaux, couverts de tapisseries assez laides et assez criardes. Pourtant, le cabinet du roi est un bijou. Il y a là des portes de bois incrustées à ornements de fer poli et d'or pur. Puis un salon oratoire en soie brodée ravissant. Quel contraste avec la chambre de Philippe III. Ce tyran habitait une cellule nue et pauvre, donnant dans une espèce de chapelle basse tout en marbre, donnant elle-même sur l'église. De son lit, il voyait l'autel et pouvait entendre la messe. Je ne puis pour mon compte bien me souvenir des salles, escaliers, cloîtres qu'on nous a fait traverser. C'est si grand. Et ces longues galeries à immenses fenêtres fermées de volets en bois à caissons, avec portes massives et peu ornées. L'église est d'une admirable simplicité. Ses voûtes grandioses et nues sont d'un effet tout à fait imposant. Le caveau royal et les escaliers qui y mènent, tout en marbre divers, sont d'une richesse très grande. Les cercueils sont en marbre de Tolède, avec ornements en cuivre repoussé. C'est splendide. Il ne reste plus que 5 places. La touchante Mercédès attend, dans une petite chapelle latérale, que le caveau des infants et des reines sans enfants soit reconstruit. Le coro est en bois sans sculpture, mais il y a au milieu un lutrin merveilleux avec des livres grands comme moi. La bibliothèque, oh, il y a là des manuscrits que j'admirais longtemps, bien que je n'y connaisse pas grand-chose. Et vous voulez que je préfère des mièvreries à cette sombre majesté? Quel caractère, quelle sobriété, et que nous voilà loin des indescriptibles amas d'ornements à profusion et des cassantes gravités de Tolède. Puis on vous fait traverser un parc où le roi chasse les lapins, et on nous fait visiter le pavillon construit en 1781, je crois. Un bijou. Les escaliers et les parvis en marbre de couleur et une quantité de petits salons tapissés de tableaux, de beaux tableaux même, ou de soie pâle délicieusement fanée, à broderies ravissantes. Les fleurs bleues et roses. Le vert harmonieusement flétri se détache finement sur du blanc devenu d'un ton d'ivoire incomparable. Ces petits salons de satin blanc passé ou à peine bleu avec du satin ourpâle, avec des plafonds délicieusement peints ou incrustés, c'est à en perdre la tête. Il y a un cabinet orné de travaux brodés sur la tenture. À quelques pas, on dirait des peintures. Et puis des ivoires et des pattes de riz miraculeuses.